2. Il y a de ces jeunes filles qui ont une allure dansante et conquérante. Le bas de leur robe sautille à chacun de leurs pas. On les dirait saintes de la cuirasse, petites guerrières sûres de la victoire. Ce n'est pas une chimère qui les conduit, c'est leur entrain. Et où vont-elles? À leur déception, telle était encore Anatolie. Elle avait oublié que Madame d'Arbène Massenot dut être à sa rencontre. Cette dame lui apparut comme toute une famille, tant avec sa mise démodée, elle ressemblait évidemment à ses aïeules, et tant elle portait les signes d'une maternité assidue. Courte et grasse, appesantie, cette mère avait un bon visage, où l'on voyait et la tendresse multipliée et l'habitude de commander à des marmailles, où l'on voyait de la fatigue et du courage, où l'on ne voyait pas autre chose. Anatolie, avec mauvaise humeur, songea. « Celle-ci ne sera pas amusante, gare !» Madame d'Arbène Massenot lui dit. « Votre père était le cousin germain de mon mari. Vous êtes notre nièce à la mode de Bretagne. » Anatolie, tout bas, se débattait, considérant qu'elle était, quant à elle, périgourdine et de père normande. Aussi, elle n'avait rien à démêler avec la mode de Bretagne. Elle redouta ses parents, si bien discrets jusqu'alors, et que lui avait éveillé le souci de la tante Pauline. Madame d'Arbène Massenot se fut gardée de le dire crûment. Elle croyait qu'Anatolie avait perdu sa fortune et à Paris tâcherait de gagner sa vie. Le piano peut-être? Non, pas du tout. Et Anatolie n'était pas musicienne. Il y a d'autre part le dessin, la peinture, il y a la littérature. Non, en fait, pourquoi donc Anatolie avait-elle quitté Castillac? Je m'y ennuyais. Ah, fit Madame d'Arbène Massenot. La réponse d'Anatolie l'avait surprise. Elle se rassura. J'ai mon idée là-dessus. Anatolie évitait de lui demander son idée. Elle la connut cependant. La voici. Autrefois, on ne s'ennuyait pas. On ne pensait point à s'ennuyer. L'ennui a commencé le jour où les voyages sont devenus faciles. Les chemins de fer ont exalté l'ennui. L'automobile l'a exaspéré. Maintenant, chacun s'ennuie. Où il est et ne souhaite que d'être ailleurs. Pas vous, ma cousine? Oh, pas moi, certainement non. Je suis vieux jeu. Un peu plus tard, elle ajouta. L'ancienne France ne bougeait pas. Anatolie, ne trouvant rien à répondre, cherchait un stratagème qui lui eût permis de brûler à sa respectable cousine la politesse, de se sauver, de ne plus entendre des propos mornes et accablants. Il lui fallait de l'énergie pour ne pas dire « Vous m'avez convaincu, adieu, et je retourne à Castillac ». Puis, au détour de la rue, elle se fut esquivée. Madame d'Arbène Massenot continuait. « J'ai 8 enfants. 2 au Maroc, l'un capitaine, l'autre sous-lieutenant. Un autre ingénieur, à Nijni Novgorod. » Un autre inspecteur des finances, toujours parti. Un autre professeur à Marseille. 3 filles, l'une est mariée à Draguignan, la deuxième visitandine a dû quitter la France lors des persécutions, et elle est à Constantinople. La troisième est fiancée. Qui épouse-t-elle? Fit Anatolie machinalement. Un champion de tennis, très gentil d'ailleurs, mais toujours sur les routes. Ma fille le suivra. Madame d'Arbène Massenot soupira fortement. Et mon mari est dans les nuages. « Je le comprends, je les comprends, » songeait Anatolie. Il lui sembla qu'elle était arrivée, tenant une fleur dans ses doigts, et que la fleur se fanait. À chaque jérémiade de sa cousine, un pétale tombait. La cousine redoublait de complaisance. Elle conduisait Anatolie et ses mâles à la pension de famille. Mais Anatolie, dès ce premier soir, ne dînerait-elle pas chez les d'Arbène Massenot? Elle était un peu étourdie du voyage. « Demain? Oui, demain. » À la pension de famille, il y avait des échantillons très divers d'humanité dépareillée. Il y avait un Chinois, sans natte, déguisé à l'européenne et venu chez nous afin d'y étudier les institutions parlementaires. Il y avait une Finlandaise, rose et anodine, qui étudiait la philologie romane et qui savait probablement le français du Moyen-Âge, non le français moderne. Elle se taisait. Il y avait 2 Anglaises, laides et fines, et qui étudiaient à peu près tout. Un Anglais qui, avec calme, parlait fort et qui n'étudiait absolument rien. Un Français taciturne et de qui l'on ignorait tout. Une petite veuve, lilloise, amoureuse d'un jeune Belge insolemment placide. Un vieillard désespérant qui n'ouvrait la bouche que pour annoncer son incurable tristesse. Puis un vieux ménage, tout à fait langoureux, et qui, dans la décrépitude, conservait ses manières de galanterie. Philémon, tout bas, parlait à Baucis et tout haut, avec acharnement, déblatérait contre l'époque. Ainsi, disait-il, nous, que demandions-nous à notre temps? Rien, la sécurité. L'État nous la refuse. Nous avions une petite aisance, un château en Touraine. Mais quoi, l'impôt sur le revenu va détruire le capital. L'émeute est préparée. Les appétits sont plus que jamais surexcités. Les démagogues sont au pouvoir. Que voulez-vous? J'ai vendu mon château. J'ai placé ma fortune en Suisse. Et nous vivons comme l'oiseau sur la branche. Il regarda Baucis très gentiment. Ne vous plaignez pas, mon ami, dit-elle. Il lui baisa la main. Anatoli examinait ce couple si rangé, si bohème, qui avait l'éternité du sentiment et la peur du lendemain, et qui, sans domicile, durait sous la menace du temps par sa double ferveur. Et Philémon mourait d'abord, ou Baucis. Anatoli compatissait à la douleur du survivant. Comme elle n'était pas gaie, elle avait pitié d'un amour qui, à tout petit pas caduc, chemine vers la mort. Après le dîner, le chinois, les deux anglaises, l'anglais et la finlandaise s'en allèrent. Dans la salle de conversation se réunirent le personnage taciturne, le vieillard désespérant, le vieux ménage, le belge et la petite veuve. Anatoli, par nonchalance, un peu de lente, s'assit à un guéridon, feuilleta des revues illustrées, s'étonna de n'avoir aucun désir, ou de sortir, ou de remuer. Le vieux ménage, assis sur le canapé, bavardait à demi-voix, et bientôt se retira. Et le vieillard désespérant disait au personnage taciturne : « Il n'y a pas deux manières d'user sa vie. Monsieur, il n'y en a qu'une. Essaie de continuer l'usage des ancêtres. Ils ont usé leur vie. Usons la nôtre, à la même place où ils sont venus à bout de cette tâche. Leur tombe est notre enseignement, et il faut commencer sa tombe de bonheur, auprès de son père et de sa mère. » Anatoli regardait le personnage taciturne. Il écoutait, ne bronchait pas. Anatoli, mentalement, répondait pour lui. « Mon père est mort quand j'avais 2 ans. Ma mère était morte peu de jours après ma naissance, et ma grand-mère vient de mourir. » Le vieillard désespérant reprenait. « Il faut commencer sa vie tombale quand on vit encore, et dans la maison de ses parents, première tombe où l'on se plie à la discipline des morts. Dans la maison de ses parents, monsieur. » Le personnage taciturne, qui avait les jambes allongées et croisées l'une sur l'autre, donnait les signes d'une souffrance accrue sans cesse. Une sorte de convulsion tordait ses jambes, mais il gardait le silence. Anatoli elle-même répliquait « La maison de mes parents, un de mes oncles me l'a prise. » Et elle lui criait. Le vieillard désespérant tourmentait encore sa victime. « Vous me direz que vous n'avez pas de maison. Je vous entends, moi, monsieur. Je n'en ai jamais eu. De quoi avons-nous l'air? Et que sommes-nous, des vagabonds, des êtres sans viatique ?» Le personnage taciturne, avec une volupté amère et affreuse, se laissait torturer ainsi et semblait demander encore du désespoir. L'autre lui en donnait, il en réclamait davantage et s'enivrait éperdument de cette absinthe. Un chant, soudain, divertit Anatoli de ses bons hommes. La petite veuve chantait afin d'émouvoir le Belge. Elle lui chantait le Dichterliebe de Schumann. Et sa voix grêle, un peu pleurarde, multipliait les nuances de la passion câline et malheureuse. Sa voix un peu sotte, et qui profitait et qui abusait de toutes les occasions pour répandre une plainte excessive, et qui assombrissait le printemps, flétrissait l'aubépine, refusait l'allégresse du poète, insistait sur sa peine, tournait en peine l'allégresse et guettait partout l'allusion particulière. Une voix qui pourtant cédait à la musique, et alors, de même que parfois la mélodie un peu aisément cordiale se divinisait. Ce furent des accents à vous aller chercher au fond de l'âme les désirs qui dormaient et qui, se réveillant, célèbrent leur attente indéfinie. Ce furent des accents à vous prendre l'âme toute nue et à la présenter au vent de l'harmonie comme une harpe naturelle. Le vieillard, désespérant, abandonnait à ses témoins nouveaux sa victime. Et la victime crispait sur les bras du fauteuil ses poings fébriles. Le Belge avait trouvé un jeu de cartes et, sans faiblir, faisait une patience. La petite veuve se pommait dans une solitude où les sons étaient de grandes fleurs odorantes qui lui embaumaient et le cœur et la voix. Anatoli, prête à pleurer, se leva et sortit. Dans sa chambre, elle ne sut comment lutter contre sa mélancolie. Sur une table ronde et habillée d'un tapis à ramages trop voyants, elle avait un buvard, un encrier. Elle prit un porte-plume. Écrire, achever plutôt ses rangements, elle n'en aurait pas la force. Écrire à Laurent? Non, et mieux valait que le pauvre garçon se rendormît dans sa morne habitude. Puis elle n'avait pas envie de lui écrire. Mais la musique de Schumann, comme un essaim d'abeilles, environnait le souvenir de Laurent et le faisait chanter dans la pensée d'Anatoli. Il chantait « Un jeune homme aime une jeune fille, la jeune fille en a choisi un autre. » Un autre? Non, quel autre? Écrire à Paulin? Non, pas ce soir, demain peut-être. Demain ou enfin quelques jours. Elle ne manquait pas de jours devant elle, et même leur série indéterminée était le vague paysage, trop peu orné qui l'attristait, sans qu'elle sût précisément que ce fût lui la cause ou l'une des causes de sa tristesse. Faute d'un livre, elle feuilleta l'indicateur. les cartes des réseaux, la carte de France et celle des pays voisins ne l'enchantèrent pas comme jadis les pays coloriés de l'Atlas. Les lignes des chemins de fer, tracées en noir sur le papier terne, se dessinèrent dans sa rêverie et furent pour elle des routes de souffrance et d'exil, où elle plaçait la Finlandaise, les deux Anglaises, le Chinois, les vieux amoureux et tout le vagabondage que la pension de famille hébergeait momentanément. Drôles de gens et de cœurs misérables. Les uns cependant, qui, pour se consoler, avaient leur curiosité satisfaite, d'autres leur tendresse surannée et contente, d'autres la fureur de leur déplaisir. Ils n'étaient pas à plaindre. Anatolie leur accordait une aumône de pitié qu'ils ne demandaient pas. Elle avait pitié d'elle, surtout, et de sa chère liberté, avilie en vagabondage. Elle suivait, d'un doigt tremblant, la ligne qui va de Castillac à Paris. Elle la suivait lentement et en augmentant ainsi la longueur. Ce n'était pas la solitude qui lui pesait, et elle n'eût voulu personne auprès d'elle. Ce n'était pas la nostalgie, elle ne regrettait pas Castillac, et n'y fut point retournée. Seulement son âme s'était désespérée en elle. Le lendemain, dès son réveil, elle était d'une humeur bien différente. On ouvre le matin les volets, et l'on voit ensoleillé, radieux, le ciel, qui la veille semblait voilé à jamais. La nuit a emporté les nuages. L'âme d'Anatolie, pareillement, s'était dégagée de ses brumes. Il lui restait de sa mélancolie une espèce de remords. « C'est un succès pour les Castillas à soi, » se disait-elle. Et cette idée l'offensait. Il lui restait de sa mélancolie un avertissement. Elle devait, et à tout prix, en éviter le retour. Comme ayant eu des moustiques la nuit, on les cherche le matin sur les murs et dans les rideaux où ils dorment, Anatolie examinait sa chambre et y cherchait avec attention les cachettes mystérieuses du chagrin. Ce n'étaient pas des cachettes. C'était plutôt toute sa chambre, couleur de chagrin et où le chagrin n'avait pas eu à se dissimuler autrement que sur les feuilles, les insectes qui sont de la couleur des feuilles. Anatolie ne le vit pas. Elle devina sa présence et pour le soir, pour les autres soirs, se méfia de lui. Elle ne s'attarderait point ici. Elle s'installerait ailleurs et promptement chez elle dans un appartement que sa cousine l'aiderait à se procurer. Catherine lui apporterait de Castillac ses meubles. Anatolie avait donc besoin de ses meubles, et besoin d'être chez elle. Ah, elle n'était guère nomade, et au premier pas de l'aventure, elle était peu aventureuse. Elle en éprouvait une déception et comme un peu de honte. La netteté de son esprit la sauva de se décourager. Au surplus, le principal était de résister à de petites impressions moroses qui l'avaient assaillie un soir de fatigue. Les Dardennes bien se nouent, quelque temps la seconderaient. À y réfléchir, elle ne craignait pas beaucoup leurs ailes. Darbène Mincenot, professeur au lycée Louis-le-Grand, retenu à Paris par les examens de la licence, serait libre au milieu de ce mois d'août. Alors père, mère et fille partaient pour une plage normande. Anatolie les utiliserait 2 semaines, et au bon moment ne les aurait plus. Elle sourit à l'ingéniosité profitable et un peu machiavélique de la combinaison qu'elle adoptait. D'ailleurs, ces Darbène Mincenot n'étaient pas incommodes. Anatolie le vit bientôt. Et si cocasse d'abord, il demeurait dans un bon appartement, rue de Tournon, très uni, ménage excellent, famille animée des meilleurs sentiments conjugaux, paternels, filiaux. Mais il n'y avait pas, entre ces 3 personnages, la moindre analogie ou de pensée, ou d'habitude, ou de goût. Le professeur appartenait à ses livres. La jeune fille n'estimait que les sports et la danse, le tennis, le golf. La mère accompagnait de ci de là sa fille, et soignait son mari, ne connaissait rien aux livres, ni au sport, ni à la danse, avait sur toute chose son idée, ne désirait pas de la communiquer, n'en relâchait rien, quant à elle, et accomplissait ponctuellement 1000 et 1000 devoirs au service de 2 existences qu'elle n'approuvait pas. À table et le soir, aux heures où le bavardage est le plus naturel, à peine échangeait-on quelques mots, et les plus insignifiants, comme si l'on redoutait de rien dire qui n'eût aucun intérêt. Tout simplement, ces 3 personnes, qu'une affection réelle assemblait, n'avaient point un sujet de conversation. Leur silence n'était ni affecté, ni dédaigneux ou hostile. Leur silence était un fait, accepté une fois pour toutes. Chacun des 3 Darbène Mincenot, volontiers, causait avec Anatolie, mais ils ne causaient pas entre eux. Du reste, la jeune fiancée attachait peu d'importance à la petite provinciale, qui avouait son ignorance de tous les sports. Madame Darbène Mincenot, il fallait la réserver pour ses compétences pratiques, mais le professeur trouvait amusante la petite provinciale qui le consultait comme une encyclopédie. C'était ce professeur, un homme distingué. Il enseignait depuis une quarantaine d'années la philosophie, et il ne s'enfermait pas dans sa spécialité, sur les arts, la littérature et les sciences. Il avait plus que des lumières, une fine érudition. Seulement, de tout ce qu'il savait, il ne résultait pas en lui la moindre ferveur, et l'on eût dit d'un voyageur qui aurait visité tous les pays avec une patience méticuleuse, et qui nulle part n'aurait trouvé aucun plaisir. Il continuait pourtant de voyager à travers l'idéologie universelle. Son remuement n'était-il pas une manie, importune peut-être? Anatoly songeait, encore un vagabond et qui n'aime pas son vagabondage. Il avait une figure toute rasée, assez ridée, fort grimaçante et perpétuellement narquoise. Se moquait-il, et de qui, et pourquoi? Il se moquait de toutes les idées. Il n'avait pas pour l'une d'elles une petite prédilection. Il se moquait de toutes les idées, mais sans acrimonie, sans dureté. En outre, il ne badinait pas et ne faisait pas de son mépris un jeu. C'était un homme qui se dénigrait à lui-même l'objet constant de son étude et qui souriait. Anatoly le consulta sur le socialisme, et non sans inquiétude. N'allait-il pas se railler d'une jeune fille qui prononce de tels mots? Il fit une moue assez comique. Il se leva, il conduisit Anatoly à sa bibliothèque. Il lui demanda si elle lisait l'anglais, l'allemand. Oui. Alors il lui eut offert 10, 15 ou 20 volumes et davantage, entre lesquels il hésitait. Il ouvrit l'un de ces volumes, tout marqué de crayons dans les marges. Ses lèvres se pinçaient, et aux commissures, un pli malicieux se creusait. Non, dit-il, non. Un autre livre eut un haussement d'épaules. Et puis un autre, à peine touché, fut remis en place. Et puis les autres, le professeur ne daigna pas les déranger. Les mains dans ses poches sifflotant, il passait devant eux, lisait leurs titres sur leur dos, et passait. Il appuya son doigt sur l'un d'eux. « Ça, dit-il, c'est le commencement de toutes les bêtises. » Il se corrigea. « C'est le commencement de plusieurs bêtises, car le torrent de la bêtise ne coule pas d'une source unique. » Il riait. Anatoly s'approcha et lut « Karl Marx, le Capital ». C'était le livre que Paulin lui avait cité comme la loi et les prophètes. « Voulez-vous me le prêter ? » demanda-t-elle. Il la regarda et fit « Non, non. » Il examina encore des volumes. Il grimpa même à une échelle pour en attraper un, tout en haut de la bibliothèque. Il le tira hors du rayon et aussitôt l'y refourra. Il répétait « Non, non. » Il descendit de son échelle et, tenant Anatoly au coude, la ramena dans le salon. Un peu plus tard, il dit « Le socialisme est la plus sotte des doctrines. » Il ajouta « Et l'individualisme aussi. » Anatoly le poussa « Pourquoi le socialisme est-il une sottise ?» Il répondit « Premièrement, il est optimiste. Voilà sa niaiserie originelle. » Il croit qu'un jour tout ici-bas s'arrangera le mieux du monde, et je voudrais bien savoir où il prend cette espérance. Si j'apercevais seulement ici-bas les traces de quelque chose qui pût être considéré comme le prélude d'une amélioration de quoi que ce fût, il resterait encore à me montrer que cela dépendit de quelque initiative ou de quelque loi durable. Non. Anatoly l'interrompit. Vous êtes conservateur, mon cousin ? Il se récria. Conservateur ? Impossible ! Comment conserver rien dans un univers soumis au perpétuel changement ? Madame d'Arbène-Massenot brodait. La fiancée lisait La vie dehors. Anatoly et le professeur étaient tous les deux, à leur conversation, dans une intimité où le vieil homme se divertissait assez bien et où la jeune fille frémissait de curiosité impatiente. Les conservateurs sont des gens qui voudraient garder dans leurs mains l'eau de la rivière. Il ne reste à leurs doigts qu'un peu de vase. Alors répliquait Anatoly, si vous n'êtes pas conservateur... « Mais je voudrais bien l'être seulement. »« Oui, enfin, si vous ne pouvez pas être conservateur, il vous y dites que l'univers est soumis à un changement perpétuel, vous êtes révolutionnaire. »« Mais non !»« Et socialiste ?» Le professeur n'allait pas si vite. « Doucement, fit-il, je ne suis pas conservateur, parce que je ne peux pas conserver un univers qui est caduque. Je ne suis pas révolutionnaire, parce que je ne peux rien changer à un univers qui me déplaît et qui change tout seul. Je ne suis pas socialiste, parce que je ne peux pas prévoir le changement. Et la deuxième sottise du socialisme, la voici. Le gaillard se croit efficace. Et la troisième, il offre ses projets au désordre et prétend régler le hasard. Il n'y a guère d'homme qui ait une influence. Et l'influence de quelques-uns tourne toujours autrement qu'il ne l'avait prévu. Mais alors, demandait Anatoly. Le professeur continuait. Il y a les tenants du passé, conservateurs de néant. Il y a les tenants de l'avenir, prophètes de néant. Il reste à vivre dans le présent, qui est du néant déguisé. Anatoly conclut. Vous ne croyez à rien ? Si, au néant. Mais croire au néant, c'est la même chose que de ne croire absolument à rien. Il répondit « Un peu, ou peu s'en faut ». Ses mains tremblaient un peu. Anatolie le regardait et ne lui trouvait pas l'air assez triste. Dans le silence, il branlait la tête et murmurait son sempiternel « Non, non ». Anatolie, à brûle-pourpoint, lui demanda « Pourquoi dites-vous « non, non » ?»« Peu », fit-il dans l'incertitude. Il se mit à marcher de long en large dans le salon. Anatolie, qui l'abandonnait, le rappela. « Il me semble que dans l'incertitude, vous pourriez tout aussi bien dire « oui, oui ». » Involontairement, elle imitait la voix du bonhomme dans le « oui, oui », qu'elle opposait à sa négation. Il vint à elle, riant, et dit « Certes, et dans ce choix tout arbitraire, je marque le peu de liberté que j'ai. Une liberté immense et toute petite, selon que vous considérez l'abus que j'en fais ou bien les limites où elle est enfermée. Peu importe. Mais dans l'incertitude, je nie parce qu'il y a déjà trop de monde sans moi pour affirmer. On vous dira que cette époque-ci est sceptique. Elle est croyante et effrontément. Enfin, dans l'incertitude, je nie, parce qu'ainsi je m'épargne toute déception. Qu'est-ce que je risque? Une aubaine. Je n'en ai pas encore eu, d'ailleurs. Et je n'en aurai pas, non, non. » Et il se tut. Il aurait parlé encore si Anatolie l'en eût prié. Elle ne l'en priait pas. Au bout de quelque temps, et comme elle s'en allait, il s'avisa de l'interroger à son tour. « Au surplus, mon enfant, qu'est-ce que ça peut vous faire, tout ce que je vous raconte? Je ne vois pas qu'il y ait aucun rapport entre une belle jeune fille comme vous et le socialisme. Aucun, » fit-elle. Et elle détestait ce bonhomme qui lui avait dévasté l'univers.